Chouette, vous écoutez Baleines et Dragons, le podcast où on se plonge page à page dans Beowulf, ce poème étrange rescapé du Nord ancien. Enfilez un bon gros pull et versez un trait ou deux d'hydromel dans vos thermos. Rumeurs flippantes d'une halle hantée, départ à l'aventure casque au vent, battle de rhétorique sur plage de sable, on vous emmène sur des pages agitées où cheminent les baleines. Dans ce premier épisode bonus, nous vous proposons d'en apprendre plus sur la redécouverte du poème Beowulf à travers les siècles. Et ce n'est pas sans aventure, vous pouvez me croire. Des aventures cocasses de copistes et de bibliothécaires farouches, les flammes du destin, puis une humilité ravageuse, mais aussi des bricolos du roman national soudainement fanat de vieilles épopées, des disputes entre universitaires, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous laisse en compagnie de mon comparse Nicolas et vous souhaite une bonne écoute. Je vais vous parler en fait de la redécouverte du poème. J'ai décidé de garder un peu de suspense, je ferai une prochaine capsule sur vraiment les origines du texte, quelles sont les grandes théories du moment sur d'où nous vient ce texte. Je vais plutôt parler de sa redécouverte. Quand même pour replacer le décor, le manuscrit il a été réalisé aux alentours de l'an 1000. Apparemment certains chercheurs estiment que c'est l'an 1010, alors je ne sais pas comment ils en arrivent là. Et il était donc inclus dans un recueil de textes en vieil anglais qui avait pour point commun d'avoir trait aux monstres. On peut penser que ce manuscrit a été produit par commande princière, après tout à l'époque c'était des choses très coûteuses hein, de réaliser des manuscrits. Alors moi, je me plais tout de suite à imaginer une espèce d'aristocrate vieil anglais, amateur de littérature fantastique avant l'heure, qui donc commande aux clercs, aux moines, qui sans doute, à l'époque, étaient principalement en charge de faire des copies, de faire comme ça une compilation de textes sur les monstres. Hein. Bon, c'est mon hypothèse. Hein. Et qui serait là, donc en train d'essayer de déchiffrer un poème qui, à l'an 1000, était déjà d'une langue qui n'était plus la langue de tous les jours. Hein. C'était déjà une langue archaïsante. C'était vrai à l'an 1000, mais à la suite des invasions normandes le siècle suivant, au XIe siècle, alors l'anglais, il connaîtra très rapidement des évolutions très importantes par l'influence du français. Et donc très vite, en fait, la langue du Beowulf va devenir très franchement opaque. Ça joue peut-être, mais ce qu'on voit, c'est que ensuite le poème n'est plus du tout cité ni copié. En fait, il semble tomber dans un oubli total pendant 8 siècles. Il n'y a plus aucune source historique qui s'en rapporte. Dans le monde scandinave, on trouve des échos du combat contre Grendel, tu en as parlé un petit peu plus tôt, dans la saga islandaise de Grettis le Fort, qui a été composée beaucoup plus tard, au XIVe siècle. Mais dans ce récit-là, il n'y a pas de trace de Beowulf, et d'ailleurs la structure même de l'histoire donne à croire que, elle ne se réfère pas à un autre Beowulf, mais que c'est plutôt que les deux récits puissent dans un fond commun de récits folkloriques nordiques. Quoi qu'il en soit, on sait par une annotation sur la première page du manuscrit qu'il entre en possession du Britannique Lawrence Nowell en 1563, donc plus de 5 siècles après sa réalisation. Lawrence Nowell qui est un antiquaire et un précurseur de l'étude du vieil anglais. Précurseur, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est une langue qui est très peu connue. C'est seulement au XIXe siècle qu'on va vraiment avoir un développement de l'étude philologique de cette langue. À cette époque-là, pas du tout à la mode, hein. Il est probable que le manuscrit était resté jusque-là, jusqu'à ce XVIe siècle, dans un monastère, puis qu'il ait été vendu au milieu du XVIe siècle, dans le cadre de la réforme anglaise, qui a vu en fait la dissolution des monastères, et donc, dans le cadre de cette dissolution, là, en fait, il y a des bibliothèques entières qui ont été vendues aux plus offrants. Enfin, c'est probable que ça a été ce qui est arrivé à notre manuscrit. Il arrive donc dans une bibliothèque. Mais les premières références au texte qui nous soient parvenues, elles datent encore de bien après, hein, du tout début du XVIIIe siècle. Donc en gros, c'était plutôt un objet de collection et pas du tout un objet qui était lu. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'est même pas cité dans les inventaires de la collection de manuscrits où il a atterri. C'est-à-dire la bibliothèque Cotton, qui était située pas très loin du Parlement anglais à Westminster. Il n'est pas cité dans les inventaires et pourtant, il doit être connu, quand même, au moins à l'état de rumeur, par quelques érudits. Parce qu'en l'an 700, on a comme ça une mention d'un antiquaire, George Hikes, qui se plaint au bibliothécaire Humphrey Wanley, qui était en fait en charge de l'indexation de la bibliothèque Cotton. Il se plaint de n'avoir encore rien trouvé au sujet du Beowulf. Donc c'est que quand même, il devait être au moins parcouru par certains. Quelques années plus tard, Wanley, le bibliothécaire, y cataloguera enfin le poème, et il en fera même un petit résumé, Une très noble description des guerres du roi Scylding Beowulf contre ses ennemis suédois. Si vous avez un peu suivi, c'est très approximatif. Hein. Beowulf n'est pas du tout un Scylding. Les guerres contre les Suédois apparaissent dans le récit, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Hein. Mine de rien, vous verrez que c'est un résumé qui jouera un rôle important dans sa redécouverte de ce texte. Quelques années plus tard, la collection Cotton est léguée à la couronne britannique et elle est déplacée à la sinistrement nommée Ashburnham House. Donc si on devait traduire en français, ce serait quelque chose comme le manoir des Brûle-Cendreville. Bah, il se trouve qu'en le 23 octobre 1731, ça loupe pas, un incendie détruit ou endommage un quart de la collection Cotton, dont notre manuscrit, qui n'a échappé à la destruction totale qu'en ayant été jeté précipitamment par la fenêtre, apparemment. Alors il y a vraiment en fait des journaux de l'époque qui mentionnent qu'ils ont dû jeter les trucs par la fenêtre pour pas que ça brûle, tu vois. Il a été jeté, mais non sans avoir subi l'attaque des flammes. Hein. Ses marches sont grignotées par les flammes et certaines pages fusionnent sous l'effet de la chaleur. En plus, il semble qu'il ait été arrosé copieusement par une espèce de pompe à incendie ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a l'écriture, elle a coulé par endroits, histoire de rajouter un niveau de voilà. Des lettres, voire des mots entiers disparaissent ainsi des fins de ligne. Alors on mettra peut-être un lien, mais on peut retrouver un facsimilé du manuscrit. On voit vraiment que il y a plus de marge sur les côtés, quoi. C'était vraiment in extremis encore un peu, et le document devenait complètement irrestituable, quoi. On fait plus ou moins sécher notre manuscrit, on remet plus ou moins dans sa bibliothèque. Le XVIIIe siècle se poursuit. Jusqu'ici, le poème est toujours complètement inconnu au bataillon, et son état de conservation continue de se dégrader. Après les flammes, c'est la moisissure qui s'insinue entre les pages. Des lettres continuent de disparaître. Heureusement, deux érudits vont bientôt franchir la route des baleines pour sauver notre manuscrit. D'abord, Jacob Langebeck, qui est un historien danois qui parcourait l'Europe du Nord en quête de sources relatives à l'histoire de la Scandinavie. Il apprend l'existence du texte dans les années 1770, sans aucun doute grâce au résumé erroné de notre bibliothécaire Wanley, qui mentionne des guerres des Danois et des Suédois. Alors lui qui est danois, ça l'intéresse. Alors il s'émerveille de l'existence de ce document, et il se dit, oh, c'est britannique, ils en ont rien fait, mais faites-nous un livre, quoi. Mais on a des raisons de penser qu'il va pas aller jusqu'à aller chercher ce document ni le lire. Il n'y a aucune mention dans ses lettres ou dans ses publications qui donne plus d'informations que le résumé de Wanley, en fait. Hein. Pour l'instant, Beowulf reste sur son étagère. C'est quelques temps plus tard, quelques décennies plus tard, un de ses successeurs de Langbeck aux Archives nationales du Danemark, Grimur Johnson Thorklin, il effectuera à son tour plusieurs voyages prospectifs en Angleterre, toujours dans ce projet de construire une histoire du Danemark et de la Scandinavie. Il découvre lui aussi le Beowulf, en 1786 grâce au catalogue de Wanley. Mais, contrairement à son prédécesseur danois, Thorklin affrontera les obstacles administratifs et les chicaneries des archivistes, et il obtiendra enfin, finalement, accès au manuscrit. Il fera réaliser la première transcription moderne du poème l'année suivante. Et surtout, il faut lui reconnaître le mérite d'avoir fait paraître la toute première édition de Beowulf en 1815. C'est une édition qui met en vis-à-vis l'original vieil anglais, et une traduction latine de son cru. Le poème sort enfin de son obscurité quasi totale. Cette édition reste cependant confinée au cercle savant, elle est en latin quand même, et au reste, la traduction de Thorklin est universellement condamnée par la scène académique. Bon, cercle savant n'a qu'une connaissance assez relative de l'anglo-saxon, mais surtout, il ose affirmer que le vieil anglais, c'est en réalité une langue danoise, que le Beowulf lui-même est donc une œuvre danoise. La houlette. À peine redécouvert, le Beowulf est déjà l'objet de revendications culturelles farouches. Donc ça, je trouve ça assez marrant, parce que donc, personne n'a rien à faire de ce Beowulf. Le mec, il arrive quand même à le ressortir, et il offre au monde ce texte incroyable. C'est Danois. Non, je crois pas. Mais mec, quand même, hey, c'est nous, hein. C'est nous, quand même. Hein. Tout ça pour dire, en fait, que c'est vachement chiant, c'est de la merde. J'adore. Voilà, on en reviendra sur l'intérêt de ce texte, mais il était quand même bien content de le trouver, mais l'intérêt littéraire était à l'époque peu reconnu, hein, c'était plus une curiosité. L'intérêt historique et linguistique qui attirait l'attention. Donc, une traduction danoise, quand je dis danois, en vrai danois, moderne, hein, voit le jour 5 ans plus tard. Puis le professeur de poésie John Josas Conybeare publie une première traduction partielle en latin et en anglais moderne en 1826, soit 11 ans après celle de Thorklin, qu'il corrige très lourdement. Une vingtaine d'éditions se succèdent ensuite jusqu'à la fin du XIXe siècle, surtout en anglais, en danois et en allemand, Donc voilà, en gros, les pays qui ont ces langues germaniques ou une histoire commune avec les Danois. Commence ainsi une chaîne de confrontations sur l'interprétation et la façon de traduire le texte, qui alimentera une bibliographie exponentielle. La toute première version française paraît seulement en 1877, mais des extraits du poème traduits en prose sont déjà inclus dans un recueil de textes anglo-saxons publié en 1836. Donc, le poème attire les regards dès l'édition de 1815 de Sorclin. Bah, pour commencer, c'est un texte de plus de 3000 vers qui est très apprécié comme apport au corpus vieil anglais, à une époque où l'étude des langues anciennes est en plein essor. Encore aujourd'hui, c'est l'objet littéraire le plus long dont on dispose en cette langue, et Beowulf devient rapidement un incontournable des études anglo-saxonnes. C'était encore vrai à l'époque de Tolkien d'ailleurs. Mais Beowulf ne parle pas qu'aux linguistes. À sa parution, l'Angleterre nage en plein Gothic Revival, ou mouvance néo-gothique chez nous, elle a son équivalent chez nous. Donc c'est cette revalorisation, cette réappropriation de l'héritage médiéval qui prend son essor au XVIIIe siècle, d'abord en Grande-Bretagne et d'abord en architecture. Donc le début du XIXe siècle, c'est l'apogée du roman gothique, ce genre qui mêle horrifique, romantisme et cadre médiéval dans une préfiguration de la littérature fantastique. Walter Scott publiera en 1819, très peu de temps après la redécouverte du manuscrit, sa publication par notre ami danois, Ivanhoé, c'est-à-dire un roman historique à succès qui se déroule dans l'Angleterre du XIIe siècle, qui alimentera à son tour un renouveau médiévaliste dont on trouvera des échos tout au long du XIXe siècle. En France, nous, par exemple, on sait que Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, ben, il a beaucoup pioché dans le modèle de Walter Scott. Notre vieux poème n'obtiendra jamais, loin s'en faut, la visibilité d'un roman de genre. Cependant, par son ancienneté même et ses éléments surnaturels, il est dans l'air du temps et touche un public mixte d'historiens et d'écrivains à la sensibilité médiévaliste. Alors, à titre d'exemple, on peut évoquer une traduction remarquable, celle du célèbre décorateur, essayiste, poète et éditeur William Morris en 1895. Alors, on arrive à la fin du XIXe siècle. William Morris, c'est un artiste britannique d'une grande envergure qu'on pourrait rapprocher chez nous d'un Victor Hugo. Il publie sa propre version anglaise de Beowulf à la toute fin de sa vie, mais ça fait déjà plus de 10 ans qu'il se passionne pour le poème. Hélas, sa traduction est pauvrement accueillie par ses contemporains, et encore aujourd'hui, beaucoup y voient une sorte d'erreur de fin de parcours, quoi. En fait, Morris cherche à respecter aussi scrupuleusement que possible le rythme et les particularités de la langue originale, sans aucune concession pour les lecteurs modernes. Et plus d'un critique jugera son Beowulf illisible. Cette hyper-fidélité témoigne d'un goût typiquement néo-gothique pour l'archaïque, mais aussi de sa délectation de poète pour une langue étrange et évocatrice. Quelque part, la version de Morris marque aussi un peu une culmination de l'approche qui avait lieu au XIXe siècle par rapport au texte, qui était vraiment une approche académique, qui cherchait vraiment à restituer au plus près possible la langue vieille anglaise, et non pas à rapprocher le lecteur du récit. Alors on arrive avec Morris au XXe siècle. La première moitié du XXe siècle voit l'apparition de pas moins de 15 nouvelles traductions anglaises. Je parle que de l'anglais, tant en prose qu'en vers, qui témoignent d'un glissement depuis l'approche plutôt littérale et académique du siècle précédent. Ces nouvelles versions sont généralement plus libres, elles puisent dans les études anglo-saxonnes, mais aussi dans le courant moderniste, et elles tentent de restituer le souffle poétique et la profondeur du poème auprès du grand public. C'est dans ce contexte, lors d'une conférence en 1936, que va se faire entendre la voix d'un certain John Ronald Reuel Tolkien. À cette date, Tolkien a 44 ans. Il est professeur d'université de littérature anglaise et en vieil anglais depuis une dizaine d'années. Il n'a encore publié aucune fiction, quoiqu'il ait déjà écrit Le Hobbit, et que celui-ci paraisse bientôt. Ça fait plus de 30 ans qu'il côtoie Beowulf, pour lequel il se passionne dès l'adolescence. Il a réalisé 10 ans plus tôt une traduction complète et commentée du texte, celle dont on se base dans ce podcast, qui ne sera pas éditée de son vivant, mais qu'il utilise certainement, qu'il utilise pour ses cours, ça on le sait. Ses lectures spectaculaires en langue originale, au cours desquelles il donne corps au lyrisme et à l'art oratoire des ménestrels du temps jadis, marquent les mémoires de toute une génération d'étudiants en lettres à Oxford. C'est dans ce contexte qu'il prononce à l'Académie britannique une conférence fameuse, Beowulf, les monstres et les critiques. Une intervention qui représente un tournant dans l'étude de Beowulf, mais aussi dans le statut de l'œuvre au sein du paysage culturel anglo-saxon. Beowulf était apprécié pour son intérêt historique et linguistique, mais peu considéré sur le plan strictement littéraire. Laure, tu as évoqué ça dans l'épisode précédent. Tolkien défend l'idée que ce qui était auparavant perçu comme des faiblesses de construction et des incohérences de narration témoigne en réalité de partis pris stylistiques soigneusement élaborés et opérants, relevant en partie d'une tradition orale scandinave largement perdue, mais aussi, selon lui, relevant de la voix particulière d'un auteur vieil anglais, qui se serait réapproprié ce matériau ancien. La conférence qu'il prononce en 1936 permettra que se propage une réappropriation des procédés narratifs et des correspondances thématiques qui régissent le poème. Depuis Tolkien, on recense en 2020 688 traductions toutes langues confondues, c'est-à-dire dans 38 langages différents. Sans compter, évidemment, les adaptations variées au théâtre, au cinéma, en bande dessinée, etc., etc. Rien qu'en langue anglaise, on compte 29 traductions depuis sa conférence, soit une cinquantaine au total depuis la première parution de 1815. Aujourd'hui, la traduction du poète irlandais et prix Nobel de littérature Seamus Heaney, publiée en 1999, semble encore faire référence, mais le rythme des nouvelles publications ne faiblit pas pour autant, avec 9 nouvelles traductions anglaises depuis le début du XXIe siècle. La multiplication des traductions contemporaines reflète à la fois le statut majeur du texte dans le canon littéraire, mais aussi la difficulté proverbiale de sa traduction, et donc des choix bien différents dans la façon de traduire le poème. Par ailleurs, le Beowulf continue aujourd'hui d'être l'objet de controverses savantes et d'une abondante littérature parallèle. Les auteurs diffèrent sur la datation et le contexte de création du poème, et la question des intentions de celui ou celle qui l'ont composé reste grande ouverte. L'hypothèse de l'auteur vieil anglais féru de culture scandinave, cher à Tolkien, continue de faire consensus sous diverses variantes, mais des voix dissidentes défendent depuis le milieu du XXe siècle une idée bien différente de la jeunesse du poème. Les brumeuses origines de Beowulf. Bon, je reviendrai sur ce passionnant débat d'ici 2 épisodes dans ma prochaine capsule. Et donc, il y a des choses que j'ai écartées, mais c'est vrai que, par exemple, Thorkelin, notre érudit danois qui a été le premier à aller retrouver Beowulf sur son étagère pour en faire un livre, en fait, ça a été une galère parce que il était très bien protégé, ce document, et il décrit dans sa correspondance à son superviseur au Danemark que pour accéder aux archives, c'était toute une procédure, en fait. Et qu'il pouvait pas, en fait, il pouvait pas faire la transcription lui-même, c'était interdit. Il était obligé de payer hyper cher un service pour que ce soit le bibliothécaire lui-même qui le fasse. Sauf qu'en fait, cette première transcription, qui est faite par un bibliothécaire apparemment, bah le gars, il connaissait bien anglais, encore moins que Thorkelin, quoi. Parce que il y a plein de coquilles et d'erreurs, en fait, qui témoignent qu'en fait, il connaissait pas vraiment bien anglais. Mais ce qui est rigolo, c'est que cette transcription première, en fait, elle est quand même utilisée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le manuscrit a continué de se dégrader après ça. Les marges ont continué à s'effriter et on a perdu encore des lettres du manuscrit original. Donc en fait, cette espèce de transcription qui a coûté cher à Thorkelin est encore utilisée aujourd'hui pour compléter certaines phrases dont on a perdu les lettres. Baleines et dragons, c'est fini pour cet épisode bonus. Vos chroniqueurs espèrent que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie et que vous les retrouverez dans l'épisode suivant. Si vous êtes prêts et prêtes à replonger, abonnez-vous, laissez-nous un petit ou très long commentaire ou un simple emoji et passez nous visiter sur nos réseaux sociaux. Vous les trouverez dans la barre d'infos de l'épisode aux côtés des ressources documentaires qui ont nourri nos échanges du jour. À très vite !